même et elle inonde tous les pavés d'une lumière crue et révèle tout un petit monde, celui des ombres et de la rue. Là un mouvement, là une silhouette et le reflet d'une lame qui lui un éclair puis un cri de bête et l'assassin qui s'évanouit comme une ombre. Qui vivre n'est qu'avoir du sang de la soirée.